Une délégation des permanents de la Chongnyon, Association générale des Coréens résidents au Japon, conduite par Jong Dong-ju, chef adjoint de département du présidium du comité central de la Chongnyon, est arrivée à Pyongyang le 24 par avion et a déposé un bouquet de fleurs devant les statues des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de s'incliner.